Lenao, les trois bohémiens. Un jour que, libre de contrôle, j'allais battre les chemins, je trouvais trois bohémiens couchés à l'ombre d'un saule. L'un d'eux, peu sujet aux scrupules, tenait en main son violon et, sous les feux du crépuscule, raclait avec passion. L'autre tenait sa pipe en bouche et regardait la vapeur, content comme si dans sa couche fleurissait le vrai bonheur. Le troisième dormait à l'aise, sa cymbale au vert rameau. Le vent courait sur le mélèze, son rêve effleurait l'écho. Tous trois avaient leurs vêtements pleins de trous et de reprises, mais tous trois, dans leur triste mise, narguaient l'or des conquérants. Trois fois ils m'ont fait voir comment, si le sort nous fait l'amour, on le fume, on le dort, le joue et le brave triplement. Et longtemps je suivis des yeux la horde bohémienne à la figure égyptienne, aux boucles de noirs cheveux. Ah, croyez en notre gaieté, noble ou prêtre, valet ou maître, ah, croyez en notre gaieté, le bonheur c'est la liberté. Béranger. Le cabaret dans la bruyère. J'errais dans la vaste Hongrie quand villages, arbres, buissons furent cachés dans la prairie. Je débordais de chansons. La bruyère était si paisible et si déserte, et dans l'air un nuage roulait terrible, d'où sortait main pâle et claire. J'entendis au loin quelque chose, un bruit confus et sans cause. J'appliquai l'oreille au hallier, je crus à des cavaliers. Et dans leur course à toute bride, le sol se mit à trembler, toujours plus comme un cœur timide quand l'orage va crouler. Vient une bande de chevaux, poussée par de simples pâtres, à galoper sur les roseaux, à grands coups de fouet rougeâtre. Le pied du moreau bat le sol en flots mouvants de poussière et fait reculer dans son vol le vent grondant de colère. Ainsi le coursier, dans sa fuite, se jette vers sa prison, car le chasseur, à sa poursuite, a garni plus d'un arçon. La même où la foudre se rue, il dévore le chemin et file comme si la nue les engloutissait soudain. Je crus saisir dans les échos et voir le long des chaumières le heurt tonnant des lourds sabots et l'ondoiement des crinières. Dans le ciel, des chevaux sauvages brouillaient tous leurs mouvements et couraient au front des nuages des galops retentissants. L'orage était un cavalier qui disait sa chansonnette gaiement et cinglait un coursier des éclairs de la tempête. Déjà le troupeau a le temps de se fatiguer, s'ennuie et sa sueur va distillant de larges gouttes de pluie. Le soir arrive pas à pas sur la colline verdâtre. Le doux éclat d'un mur blanchâtre m'avertit d'elle et mon pas. Le vent se tait, l'orage cesse. Rajeuni par son départ, l'arc-en-ciel ouvre à mon regard des yeux noyés d'allégresse. Des coteaux j'aspirais l'arôme. Le soleil, en se couchant, m'indiquait le brun toit de chaume et les carreaux trébuchants. Au pignon dansait, en ivrogne, le témoin fleuri du vin. Comme j'écoutais sans vergogne, jouis un musicien. J'entrai, puis choisis une place, seul devant mon flacon plein, et des danseurs près de ma face tournoya le brusque essaim. Les filles étaient des plus fraîches, sous leurs corselets charmants, souples, roses comme des pêches. Les gars étaient des brigands. Les mains battaient, les éperons cliquetaient avec cadence, la mélancolique romance dominait sur les chansons. Nous, si libres, chante un voleur, nous avons bien du bonheur. Et pourtant, je vois qu'il secoue un pleur au bord de sa joue. Le capitaine, sur son bras, appuie un sombre visage. Il paraît sourd à ce fracas, il rêve au sort gros d'orage. La flamme de son regard luit dans les épaisses ténèbres, comme ces feux qu'on voit la nuit jaunir des bosquets funèbres. Mais si les hardis compagnons redoublent des éperons, je le vois d'une main solide renverser sa cruche vide. Une fille est à son côté qui vénère sa présence et se dérobe de bon gré aux délices de la danse. Il penche les yeux sur son sein dans une ivresse discrète, mais il déplore le destin par une plainte secrète. et la bande bohémienne racle de plus en plus fort. Des compagnons le gai transport se déborde à tête pleine. Si bien que du chef le visage à son tour s'est éclairé, je vis le gibet au passage et sortis le cœur serré. La lande était dans le sommeil, au ciel seul brillait la vie. Je contemplais d'un œil d'envie l'astre planant et vermeil. Le capitaine à petit bruit se glisse et plein de mystère écoute alentour dans la nuit. Il écoute sur la terre, si bientôt il n'entend le pas de l'ennemi qui se presse, si le terrain ne trahit pas le fier hussard qui se dresse. Il n'entend rien, il reste quoi pour admirer les étoiles, pour admirer l'astre sans voile qui rayonne comme un roi. Ô lune, en robe d'innocence, astres en robe d'été, vous voyagez tous en silence dans votre sécurité. Il écoute encore et se lève et vient courir en criant. La puissance de sa voix brève domina le bruissement. Mon cœur n'avait eu temps de battre qu'ils étaient tous à cheval et volaient au loin pour combattre. Le sol tremblait comme au bal. Restèrent les bohémiens qui, sous la verte tonnelle, me jouèrent le vieux refrain sur Rakoczy le rebelle. Lenau a conquis une prompte réputation par ses peintures animées de la nature et de la vie populaire en Hongrie. Il a introduit dans la poésie allemande l'élément hongrois. Monsieur Martin.